enregistrée au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusée sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Dans l'ascenseur, c'est quand même intéressant. Il est au sixième étage, puis on doit arriver au premier. Là. Je suis à la porte de l'ascenseur avec trois valises. Il faut que je me prépare. Quand ça ouvre, ça ferme rapidement. Je la connais, cet ascenseur-là. Voilà. Hey, salut! Comment ça va, toi? Public? Oui, ça va. On est rendu au cinquième. Là. On descend l'ascenseur. On n'est pas encore rentré. Là. Faut comprendre le début de l'impact. Bon, je me fâche pas, c'est parce qu'elle descend puis je suis pas prêt. C'est-à-dire que les trois valises sont à terre. Il faut que je les prenne dans mes mains avant que les portes ouvrent pour pouvoir pénétrer rapidement, histoire de payer sa pitoune et remonter aussitôt. Hey, hein, quelle intrigue! Ah, mon Dieu, c'est pas vrai! Ben, c'est vrai! Et vous, comment ça va? On est rendu au deuxième, elle descend au deuxième, on est au premier, nous. Oh mon Dieu, c'est vrai, poignant. Voyons, on en poigne. Trois valises en même temps. Je me sens comme Hulk, je me modifie, là. Et entre la deux et la première, là. Le poil commence à se dresser, là. La porte s'ouvre, voyons, embarque tout ça! Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ça, c'est l'intrigue. La porte se referme, les trois valises sont dedans, dans l'ascenseur. Les portes du pénitentiaire bientôt vont se refermer. C'est déjà fait. Et c'est là que nous allons monter Même si on n'est pas dans un pénitencier, les portes se sont fermées et nous montons. Montons vers l'éternité. Non, c'est le huitième. Le huitième étage n'avérira jamais. Le huitième... Excusez-moi, le téléphone, ça fait ding, ding. Le huitième étage n'arrivera jamais, puisque c'est l'autre qui a décidé... Qui c'est l'autre? Pas Gaétan Brisebois, on l'avertit, reste tranquille, toi, là, là. N'entre pas dans notre supercherie. On veut faire une surprise à Mme Thibodeau, qui est au huitième étage, qui nous attend. Patiemment, parce qu'on l'a appelée avant-hier pour dire qu'on allait arriver aujourd'hui. Elle est tout à fait prête. Le brushing, là, hey, j'ai hâte de voir ça. C'est pas un brushing à peu près, là, c'est le vrai, le méga brushing, le big brushing. Paraît qu'elle est au plafond. Ouais, ils ont ouvert la lumière, ça a comme aspiré toute la spray net parce qu'elle s'est mis du fixatif. Et là, elle est tout à fait lumineuse. Elle n'a jamais été aussi pimpante que ça. Et comme Gilbert Bécaud, elle est aux 200 000 volts. Elle, le Gilbert, c'est quoi, 100 000 volts? Lui, elle, c'est 200 000 volts. Elle est prête à nous recevoir. Son rouge à lèvres n'a pas pris juste sur ses lèvres. Là. Tout son visage est rouge. Là, on dit, « Oh, où sont vos lèvres, madame? » On vous connaît presque plus, hein? Ah, oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Ben oui, mais elle est belle. Ah, oh, oui, elle se prépare. Je prépare tranquillement, c'est son anniversaire dans 2 jours. Puis moi, ben écoute, comme je travaille là, à partir de demain, pendant 3 semaines et demie, je remplace un insignifiant qui est parti pour la chasse. La chasse aux femmes, là, puis il reviendra pas du tout. Là. Oh mon Dieu, il paraît qu'il va attraper des affaires. Là, pas, oh, c'est pas juste de la volaille. Là. Oh, oh! C'est de la basse-cour, là. La petite poulette, pas de canard, mon Dieu, je peux pas parler de ça. Puis en plus, c'est ses affaires, moi, là, à mon âge, moi, je suis clairé, je suis vraiment... Non, je suis clair. Comme elle dit ma femme, t'es faite pour vivre avec moi jusqu'à l'éternité. Si elle dit, c'est vrai. Ce que Dieu veut, ce que femme veut, Dieu le veut, puis Dieu, il connaît son affaire, là, ma femme aussi. Hey, quand elle prépare sa tourtière, là, juste la senteur que ça donne dans la maison, ça embaume. Ça, c'est sans parler de son ancien mari qui est mort, puis elle a décidé à la bonne franquette parce que c'est une femme de la campagne. Puis en campagne, là, elle vient 3 pistoles. Puis souvent, on place les morts dans les maisons, dans les chaumières. Cercueil ouvert. On vient les visiter pendant 3 semaines à la fin. Oh mon Dieu, c'est qui? Oh mon, il ne se reconnaît plus. Hein? Il n'est plus. Oh mon Dieu. Mettez le frigo à eau, monsieur de monsieur. Il y a une petite mouche noire. Hein? Je pensais que c'était juste une bière ouverte, là, des vieilles caisses de bière qui jonchaient le sol. Tu donnais un coup de pied dans la caisse, puis les petites mouches noires. Mais lui, pas du tout. Hein? Ça se promène. Ça mange. Il voit. Ça risque d'être agressif et de devenir des moineaux. Ça va devenir des moineaux, ces petites mouches noires-là. Ah, oh, mon Dieu Seigneur! C'est une senteur de... Comment qu'ils disent dans la TV, là, des affaires de meurtre, là, de prétréfraction. Ça sent la prétréfraction. Une fraction de puanteur indéterminable. Indéterminée, indéter... Enterre-moi ça! Voyons donc, plus sacré. Oh, on l'aimait, là, ton mère. En tout cas, ce qui ressemble à... C'est comme une crêpe oubliée. Ah, oh, c'est pas assez cuite, ça bave. Ah, c'est, monsieur. Normalement, je prends des photos des morts. J'aime ça prendre des photos, moi. De tout moment, vivant, mort, presque mort, entre l'agonie. Puis surtout, c'est le fun. Hein? Ça fait des beaux clichés. Dire, ah, bon, c'est ça, la mort. Il n'y a pas de bras. Ben, il n'y a pas de bras. Non, il n'y a pas un bras qui vient chercher le mort. Là. C'est comme ça. Puis c'est pas autrement. Puis, ouais, mais dans la religion, ben, ça. C'est comme Walt Disney, hein? Ça t'amène une autre façon plus romanesque là, de voir la vie. Puis si on t'amènerait ça d'une manière, hein? Si c'était drabe, quel intérêt? Faut quand même faire miroiter là, une beauté incertaine. Quoique, quand on me regarde, on sait que c'est certain. Là, ouais, moi, c'est comme... ouais. Jamais achevé. No finito. No finito presto. Puis c'est ça, là. Hey, on monte au 8e pour aller la voir, puis elle est plantée au plafond, puis elle nous attend. Étalée, ouverte, les bras ouverts, les jambes ouvertes. Ah! Comme une chauve-souris. C'est intéressant, c'est intéressant. Et moi, mon ancienne poupée, je l'avais achetée à l'Hélium. Hein? Elle montait de même, elle. Ah, mon, mais pas avec un rouge à lèvres à la grandeur du visage, parce que c'est parce que sa tension a monté. Quand la tension monte... Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Quand la tension monte, tout monte, hein? Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Ah oui, je vous le dis. En vérité, je vous le dis, ma chérie. Roustan tam sam tam tam atapu. Restam tam... Ça, c'est du latin, ça fait longtemps. Ah, mon cours de latin. Restam tam maludum pintam restare ramana radar. Tu voudrais que je répète ou que je régurgite? OK, je répète. Rasta. Rasta, comme la rasta, la coupe rasta ou le reggae, là. Rasta, rasta. Rasta. OK, t'as compris? Ah, oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Ben oui, elle a compris. Ça arrive la première fois. C'est rare, là, mais on l'applaudit. Elle est en forme ce soir, là. J'espère que c'est le premier vendredi du mois de décembre. Ah, mon Dieu, c'est beau le mois de décembre, hein? C'est insignifiant comme... Ah, mon Dieu, j'ai eu ça, mois de décembre, janvier, là. J'ai appelé l'horoscope. Pas l'horoscope, mais le calendrier. Avez-vous déjà appelé ça, le calendrier? Oui, on va le faire ce soir. On appelle souvent là, des gens, mais là, ça me... Je suis dans la tentation... de discuter avec le calendrier. Allô, calendrier? Eh, monsieur. Je pense que c'est pas le premier appel, hein? Ah, ouais. C'est vous qui avez réfléchi sur les 12 mois? OK. Moi, il y en a 10 que j'adore, là. Mais là, il y en a un qui il y en a un qui me flatule un peu l'esprit. Il y en a un qui... Hein? Oh, oh, oh, attention, il s'est passé quelque chose. Il y a eu, au coupage, Mme Thibodeau. Il y a donc, ça m'a c'est comme réverbéré la cire dans le tympan. La petite boule qui se préparait à me boucher le tympan. Ouais. Ah, tout le temps, dans le tympan. Là. Fini, fini. Là, on appelle... on a perdu le calendrier. OK, on l'a retrouvé. Allô, calendrier? Ah, mon Dieu. On est en ruine. Notre carrière est terminée. Je ne crois pas. Allô? Oui. Bon, calendrier. Oui. On a retrouvé le numéro. Hey, merci. Oui. Que vous avez décidé de répondre? Oui. OK. Hey, il y a 12 mois, hein? Oui. Moi, j'ai peut-être une petite critique. Oui. Il y en a deux de trop. Oui. Ouais. Décembre. Ouais. Celui où on... Actuellement, moi, j'ai les pieds dedans, là. Je me réveille, je mets mes bottes, j'ai les pieds dedans, là. Ouais. Puis janvier. Ouais. Janvier, ça me dérange parce que je porte la moustache, hein? Ouais. Fier d'être un moustachu, là. Depuis le début de ma carrière, j'ai voulu porter la moustache. Ouais. Je trouve que ça fait quelque chose comme vedette des années 80. Ouais. Évoluer, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ouais. Et ben, le mois de janvier, ça aide pas trop la moustache. Hein? Ouais. Quoique ça aide à freiner, excusez-moi, à freiner ce qui peut descendre. Ouais. Ça m'énerve un peu le janvier. Ouais. Ouais, ouais. Février, c'est court. Hein? Ouais. Ça, c'est merveilleux. Merci pour les 27-28 jours. Là. Ouais. Ah, ça, c'est une idée extraordinaire. Vraiment, là. Vous êtes sûr que vous êtes réveillé à un moment donné en vous disant « Oh! » Oh, le mois de février, là. Oh, 27-28 jours. C'est ça, hein? Oui. Hey, je le sais. Je suis quand même clairvoyant. Oui. Croyez-vous que je devrais être astrologue? Oui. Pour être astrologue, monsieur Calendrier, il suffit de connaître quoi? Les signes astrologiques? Oui. Puis là, vous qui avez une connaissance du calendrier, êtes-vous dans le milieu de Jojo? Oui. OK. Vous avez déjà rencontré... Jojo? Ouais. Mais c'est passé des choses peut-être pas racontables à la radio. Oh! Les codes d'écoute vont monter. Est-ce que c'est... pouvez-vous répondre à des questions très intimes? Ah, mon Seigneur! On va passer une pause. Il n'y a pas de pause. On l'avait dit la semaine dernière, hein? Il n'y en a pas de pause. On continue ce prépuce. Est-ce que c'est vrai, là, tout ce qui est sur Jojo? Oui. Tout ce qui est raconté, tout ce qui est présent sur cet individu? Oui. Vous êtes gâté, ou là? Oui. La stratosphère roulait? Oui. Hein? Les lunes n'étaient pas juste dans les cercles cardinaux? Ouais. Parce que les gens qui ne connaissent pas vraiment la carte du ciel, il y a les cercles cardinaux. Bon, il y a l'éolième, l'aliem, l'alien et l'épiderme. Il y en a une que vous connaissez davantage, l'épiderme, peut-être l'alien, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez comme réflexion soudaine. J'ai quand même 26 années d'expérience là, dans la cartographie, la cartomancie, puis la cartophysicie. Hein? J'avais ici dans le carton, moi. Oh mon Dieu, ça ramollit. Hein? Quand c'est du carton mouillé, c'est. Mais ça aide quand même à comprendre la planète, à comprendre ce qui va se passer dans le monde et surtout à annoncer ce qui n'est pas encore arrivé. Nostradamus, lui, c'était un type qui baignait dans l'eau pour être court-circuité par les idées. À un moment donné, il y avait des tonnerres, qui arrivaient dans son cerveau, qui l'illuminaient, qui disaient « Oh, la Terre est plate dans la rondeur de l'univers! » Là, il est parti avec des idées métaphoriques. Qui racontait des histoires à bras à la branle. Puis plus il se la branlait, la bras à la branle, plus les gens comprenaient ce qu'ils voulaient bien comprendre. Moi, j'ai décodé Nostradamus. Il dit que dans l'univers, trois mondes existants, il y a de ça deux ans, reviendra la semaine prochaine. Non, ce n'est pas les films qui nous sont présentés à la télé payante. qui reviennent 52 fois par année. Mais, encore là, je ne suis pas très, très généreux. Mais ce sont les vents cardinaux qui renaîtront dans la sainteté universelle. Ça n'a jamais été dit, là. La sainteté universelle. Oui, mais les gens sont perdus, ils ne sont pas ésotériques. Attention. Pour s'élever, il faut sextoriser. Hein? Sextoriser. Sextoy. Ça n'a rien à voir, hein, Raymond? Oh, mon Dieu! Monsieur le Président, on s'excuse infiniment auprès de Fextoy. C'est pas Fextoy, c'est Textoy. Textoy. Hey, moi, je textoy tous les matins à mon épouse. Je t'aime. En textoyant, là, je t'aime. Mais non, ça, c'est texto. Envoyez des textos. Moi, je testoye. C'est un jeu pour moi. Je m'amuse. Moi. J'ai le doigt qui est agité. Je m'agite souvent, moi, le doigt. Puis, quoique, avant ça, avant que ça existe, là, les là, je me jouais dans le museau, puis je m'amusais avec ça. Puis, je mangeais pas mon 3 heures. Ça me dérangeait pas. Tout était là-dedans. Monsieur le Président... Monsieur, c'est dégueulasse. Monsieur le Président, pas trop catholique. Non, ça fait rire, hein? Toujours la prémisse première. Les humoristes québécois ont appris ça, hein? Pipi, caca, ça fait rire le public. Ils se font... ils s'élèvent. Le public s'élève pour ne pas partir, mais pour entendre. Allez-y encore dans le plus bas fond, de la connerie. Hein? Monsieur le Président, on fait l'école du glamour, eux, là. Si tu fais pas l'école du glamour... Ne fais pas le glamour. Car l'école prend des dividendes sur les blagues, là, hein? Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Fring Reynald Le Néant gagner. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi 5 décembre 2014, les errances présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en mandat de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la demoiselle intellectuelle Aida Valkanu. Née en 1975 à Pitești, Aida Valkanu est roumaine, journaliste professionnelle en France depuis 4 ans. Elle assume également la direction artistique de plusieurs rencontres littéraires et salons du livre à Vendée. Fille d'éditeurs roumains, amoureuse de la France et surtout de Paris depuis toujours, Aida Valkanu s'attache à faire connaître la culture française en Roumanie et vice-versa. En juillet 2014, Errance Reineldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime admiratrice des mots français. Francophone. Je suis convaincant, je suis un francophone qui se cache jamais dans l'anglophone, parce qu'au Québec, il y a 2 solitudes, le haut et le bas. Tralala. We'll be right back.

pas, c'est naturel là-bas au Kenya. Mais si nous n'allons pas là-bas au Kenya, Là-bas c'est naturel, là-bas ok. Henry Miller, cynically referring to your lovers as your pricks and exploiting other people's madness. Alexis, you claim to have called out to me telepathically through our archaic mediums, but I never once heard you, so I think you were just lying. Destroyed, like I'm a paraspectral voice with no choices at the present. Still there's a value in things unpleasant, where you post naked gifts of your epileptic fits and keep track of your hits, and your friends don't give a shit and view your fumes with amusement. Dans la montagne d'or, le roi de Jean-Louis, il y a un second. un FBI que t'es weapon tap.

leur sermon moralisateur. Ayez confiance, n'ayez pas peur, soyez solidaires, dynamiques, ne fumez pas de hakik, entreprenez, investissez, soyez forts et déterminés. Et pour que l'État soit plus balèze, on vous piquera un peu plus de pèse. Nous pauvres cons, on baisse le front, et ils organisent l'exclusion. Entouré de ces pauvres cotons, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon. L'univers entier nous envie le talent de nos dirigeants, dont le cerveau la rabougrie ne véhicule que du vent. L'idée de la pensée unique, c'est plus c'est nul, plus je te nique. C'est vous dire la force des concepts qui germent dans leur cerveau inepte. La République sans jeu de mots, ils la prennent pour une pute, lui font des papouilles, des turlutes, et se foutent de guérir ses maux. La trahison de leurs promesses, ils la lui mettent entre les fesses. Le fin du fin pour leur boutique, c'est la renommée médiatique. De leur bouche d'or pointe éructant, leur langue de bois cousue de fil blanc, pour nous déverser un wagon de lieux communs comme des étrons. Entouré de ces portes cotons, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon. J'entends déjà le réquisitoire contre ma chanson dégueuloire. Mais la chanson n'est pas finite, faut récurer le fond de la marmite. Qui sait ce pencu sans façon qui salit les institutions? Qui sait ce malheureux baveux et ses rimes à la mort moelle-neuve? Qui sait ce teigneux anarchique, au mauvais goût catastrophique, donnant des armes aux extrémistes, aux factieux, aux pourris, aux fascistes? À vrai dire, j'en ai rien à foire, du bon goût et des bonnes manières. Pourquoi nous laisser gouverner par des bouffons crétins fiefés? C'est de ne pas gueuler qu'on crève. On n'a qu'une vie et elle est brève. À cette pensée, mes yeux se mouillent. Faudrait plus qu'on nous casse les couilles. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce qu'on a des ramassages de poubelles. Et quand je te dis tout ça, c'est pour te dire que... Moi, je viens de là. Donc, quand je vois tout le gaspillage des sociétés occidentales, le gaspillage, vraiment... Je ne dis pas que le progrès n'a pas du bon, mais je dis qu'aujourd'hui, on jette trop. Et même jusqu'aux humains, on les bouffe. Même dans les histoires d'amour, tout le monde bouffe celui en face. S'il n'y a même plus d'amour, il n'y a que des histoires sexuelles. Enfin, j'exagère, j'en rajoute. Mais ça, je le vois aussi. Et quand je vois tous les gouvernements se dire, pour sauver le pays de la crise, il faut relancer la consommation, alors que la consommation appauvrit la terre et nous-mêmes, c'est une fausse. Voilà, ça fait 10 ans que je le dis à mon mari avec mes exemples de Roumanie et des patates et des pommes.

il y a un vrai apprentissage. Et c'est tout récent que je puisse apprécier les différences entre des terroirs, entre un vin d'un côté ou le vin qui va avec quel nez, tout ça. Un vin du sud, un vin du nord, oui. Les cépages. Voilà, tout ça c'est tout nouveau. Et je veux dire ça, si j'étais un liquide, je serais du vin rouge. Ça doit être bien d'être de quelque part, d'en partir et puis d'y revenir quand on est de nulle part. On marcherait sur un plateau, le vent crierait, y aurait pas d'eau, la nuit glaciale et le jour au chaud, et puis enfin six jours passés, on arriverait dans la vallée en traversant le bois de Roger, en longeant le champ de Marie-André. C'est tout à fait comme autrefois, la Syrie coupe toujours du bois. Ça doit être bien d'être de quelque part, d'en partir et puis d'y revenir quand on est de nulle part. La Syrie coupe toujours du bois, me voilà revenu chez moi, bien que les chiens quand je passe aboient, y a de belles fleurs chez le curé. Je vais au café chez le gros Pelé, qu'a pas plus de cheveux que l'an dernier. Tous les copains sont attablés. Ça par exemple, te v'là enfin, assieds-toi donc et bois-en un. Ça doit être bien d'être de quelque part, d'en partir et puis d'y revenir quand on est de nulle part. Assieds-toi donc et bois-en un, raconte-nous ce que t'as vu au loin. Aller si loin, c'est pas malin. As-tu revu tes vieux là-haut et la maison du bois d'Ormeau? Ma mère pleure en m'embrassant, salut gamin, ça fait longtemps. Je crois bien que je vais rester 10 jours, y'a pas de raison de marcher toujours. Ça doit être bien d'être de quelque part, d'en partir et puis d'y revenir quand on est de nulle part. Ça doit être bien d'être de quelque part, d'en partir et puis d'y revenir quand on est de nulle part. L'ami, tout seul à te demander quelle connerie t'as pu faire pour en arriver là. Ton proprio te vire, ta femme se fait la malle, tes enfants ont la honte et tes copains ricanent. Tout le monde te fait croire que t'es un bon à rien, que t'es pas un gagneur, que t'es pas un battant. T'as du mal à penser, tu vas à la dérive, alors tu penses au gaz, mais le gaz est coupé. était l'ami. Tu crois qu'elle est bafouée, car ta vie, tu l'as vouée à de fausses valeurs. La morale du travail, la productivité, l'État et les patrons, leurs mensonges et leurs lois. Tu n'es que la victime d'un complot bien monté, celui de l'exclusion, parfaitement planifié pour faire marcher le monde. Hier on t'exploitait, aujourd'hui on te jette. Ça s'appelle le progrès. De cet apocalypse, on est seulement coupable d'avoir été aveugle. Nos brillants décideurs, que vont-ils faire de nous? Partager les richesses, faut pas rêver l'ami. Mettons-nous une étoile pour bien nous reconnaître. Repoussons l'exclusion et la pensée unique. Creusons-nous les méninges, caressons l'utopie. Réinventons le monde, réinventons la vie. histoire, les yeux bandés dans un trou noir. Quand viendra l'heure du blackout, j'irai boire à la collision frontale. Pour me consoler, une musulmane fera un dessin dessus mon plâtre. Dans la boucane du chétra, je brillerai. On dira bien ce qu'on voudra, la mémoire n'est pas une question de goût. Je suis du signe du rat, le crachotrain jusqu'à l'ego. Je vous irai au scala, scala, scala, scala, jusqu'à la mer. En bas de la côte, on a monté jusqu'en haut, jusqu'au château, avec des grosses portes ornées de lions d'or. On a frappé, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous voulez? On a dit, tout. S'il y a personne dans ta vie qui s'en vient boire à ta fontaine, s'il y a personne dans ton lit qui donne sa peau contre la tienne, si on te vend l'amour trop cher, on doit te traverse un désert. Si on te vend l'amour trop cher, on doit qui aime comme un geyser. Assoir, assoir, au bord de l'eau, t'en auras beaucoup. Sur le bureau, si tu n'aimes plus les hommes, si tu veux casser le carreau qui donne sur le minimum, si on te fait mettre à genoux, pour toi qui portes le tatou, si on te fait coucher par terre, pour toi qui frappe comme le tonnerre. Assoir, assoir, au bord de l'eau, on donne un coup. Se lève pour rien que pour te jeter dans le noir. Avec tes yeux fous dans le souterrain, si c'est comme ça qu'on te préfère. Si tu veux te faire de la lumière, comme le font les mammifères. Si tu veux te faire de la lumière, comme le font les mammifères. Assoir, assoir, au bord de l'eau. Oh yeah, coup pour coup. Si tu étais une ville. Si j'étais une ville, je serais Rome. Rome? C'est pas bien, il fallait pour rencontrer le pape. Pour rencontrer. Non, mais parce que Rome a un côté. Rome a un côté gourmand, a un côté un peu désordonné, comme ça. C'est Paris aussi, hein? New York, Paris. Mais Rome est plus proche de la Roumanie. Okay. Je pense que c'est une espèce de milieu entre Paris et Bucarest. Rome. Ok.

correr y grita llena de terror. Que grita la gente, que corra si quiere. Que el negro no corre, que el negro no grita, que el negro cuenta. Corre y hume, no vale la pena. Ah. Si va a temblar, va a temblar, no. Bueno, no corre y gozale. Sí, parce que tierra va a